Chapitre 8e, pendant le bain. La chaleur du jour était tombée, l'heure parut propice pour le bain habituel. En deux riches pavillons dressés sur la plage, se déshabillaient, ici Férimonde et ses femmes, là Orlys et ses compagnons. Bien qu'on se baignât ensemble, la pudeur était respectée. De fins tissus flottants couvraient la nudité des corps, le long desquels l'eau les plaquait en colonne blanche rose où transparaissait la peau. Redevenus enfants, les jeunes hommes et les vierges s'ébattaient dans la mer, se lançant au visage des perles d'eau au milieu des rires clairs. Orlys et Férimonde s'avancèrent l'un vers l'autre, frôlant le sable doux de leurs pieds nus. Et leurs yeux, pleins d'un immense et respectueux amour, s'admirèrent en la splendeur de leur corps, moins vu que deviné, et se dessinant en ombre sous la légère et lumineuse draperie. Celui d'Orlys, avec sa large poitrine, ses reins nerveux, ses robustes bras, témoignait d'une grâce pleine de force, et ses mouvements obéissaient à un beau rythme. Le corps de Férimonde était divin. Ses seins, petits et ronds comme une coupe, s'érigeaient en une élastique fermeté. La courbe de ses hanches s'allongeait fière et pure, comme il sied à une vierge. Son ventre d'enfant, sans plis ni rides, bombait comme un petit bouclier d'ivoire, et les cuisses, serrées hermétiquement, renflaient leur jeune et fine rondeur au-dessus des jambes d'Amazone chasseresse. Ses pieds surtout étaient charmants. Ils avaient la douceur et la finesse de main, et les ongles roses à bord de nacre. Cependant, sous son long regard croisé, admiratif et plein de langueur, Orlys et Férimonde rougirent. « Allons, » dit-elle, et se tenant par la main, ils entrèrent dans la mer. Tous deux nageaient merveilleusement. Bientôt ils furent loin. Côte à côte, d'un mouvement égal, lançant leurs bras et écartant leurs jambes, ils fendaient l'eau victorieusement. À mesure qu'ils avançaient, ils voyaient grossir les voiles et les felouques barbaresques. Ils distinguaient les corsaires et pointant et aiguisant leurs armes, dont l'acier au soleil jetait des éclairs. Et l'île devenait plus petite, et ils ne distinguaient plus leurs compagnons que comme des points mouvants dans l'eau bleue. Alors, pour se reposer, ils s'étendirent sur le dos, et l'eau les porta comme un lit de plumes. Leurs yeux plongeaient dans l'immense ciel traversé de voiles d'oiseaux de mer, et comme ceux-ci, ils eussent voulu avoir des ailes. « Férimonde, dit Orlys, ne sommes-nous pas bien et heureux? Quel calme autour de nous! La mer nous berce tendrement. Le soleil n'a plus que des rayons affaiblis. Ta beauté rayonne au centre de la nature. Je la vois, j'en jouis par la divine possession de l'âme. Ma sœur, mon amie, parle-moi, et rien ne manquera à mon extase. » Et comme Férimonde se taisait, il pencha la tête vers elle et vit qu'elle souriait, les yeux clos, comme un enfant qui dort. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. « J'oublie, » dit-elle tout bas. Alors lui aussi, baissant la voix, « Oublions ensemble, veux-tu? Nous sommes seuls, l'heure est si douce, devançons l'instant. Oh, le délicieux sommeil! Oh, la bonne mort dans l'oubli! Lentement, voluptueusement, loin des hommes, seule, ma Férimonde, fermons les yeux et laissons-nous couler. » Une tentation suprême passa dans les yeux de la Vierge, puis, songeant à ceux de l'île qui les attendaient pour mourir, « Non, » dit-elle, « ce serait lâche. » Et tous deux, avec regret, nagèrent mollement vers la plage.